Acte deuxième, la reine d'Espagne. Un salon contigu à la chambre à coucher de la reine. À gauche, une petite porte donnant dans cette chambre. À droite, une autre porte donnant dans les appartements extérieurs. Au fond, de grandes fenêtres ouvertes. Grande table, fauteuil, une figure de sainte richement enchâssée est adossée au mur. Au bas, on lit « Santa Maria Esclava ». Au côté opposé est une madone devant laquelle brûle une lampe d'or. Près de la madone, un portrait en pied du roi Charles II. C'est l'après-midi d'une belle journée d'été. Au lever du rideau, la reine Doña Maria de Neubourg est dans un coin, assise à côté de Casilda, une de ses femmes, jeune et jolie fille. La reine est vêtue de blanc, robe de drap d'argent. Elle brode et s'interrompt par moments pour causer. Dans le coin opposé est assise sur une chaise à dossier Doña Juana de la Cueva, duchesse d'Albuquerque, camerera mayor, une tapisserie à la main, vieille femme en noir. Près de la duchesse, à une table, plusieurs dueignes travaillant à des ouvrages de femmes. Au fond se tient Don Guritan, comte Doniate, majordome. Grand, sec, moustache grise, 55 ans environ, mine de vieux militaire, quoique vêtu avec une élégance exagérée et qu'il ait des rubans jusque sur les souliers.